d'Ouïman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 19 juillet 2022. Voici les grandes articulations de cette édition. Le manque de devises est à l'origine de la pénurie du carburant en Burundi, mais d'autres causes expliquent la situation. Des journalistes locaux ont mené leurs investigations pour en savoir davantage. On fait le point dès le début de ce journal. L'administrateur de la commune Gwambarangwe en province Kirundo est accusé par le conseil communal de mauvaise gestion. Notre correspondant se rend en ligne pour plus de détails. Dans ce journal, on vous propose aussi un reportage sur les esclaves burundais et congolais qui transitaient par Ujiji dans la province de Kigoma en Tanzanie où se trouve notre confrère Moïse Misago. Et la jeune autrice burundaise Laura Sheila Inangoma est entrée ce mardi 19 juillet à 11h dans la cour d'honneur des auteurs africains au Festival d'Avignon avec sa pièce de théâtre Procès aux mémoires. Et dans la chronique santé comme tous les mardis, le neurologue Patrice Balasukana nous parlera du traitement de l'épilepsie. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Depuis un certain nombre d'années, le Burundi vit au rythme de pénurie de carburant. Les conséquences qui en découlent sont légion et affectent de plein fouet le Burundais. Pourquoi alors cette récurrente pénurie? Certains pensent au tarissement des devises dans les caisses de la Banque centrale et la Banque de la République du Burundi. Les causes sont multiples selon les résultats de l'enquête menée en synergie par certains journalistes. On fait le point avec Evariste Nzikobanyanga. Après plusieurs années, les Burundais font face au manque criant du carburant. En témoignent les longs files d'attente qui sont même aujourd'hui observés devant les stations-service. Différentes personnes rencontrées au cours de nos enquêtes disent « j'ouvre les guillemets ». Nous avons dû jeter les viandes à notre disposition parce qu'on n'arrivait pas à trouver du carburant pour alimenter le groupe électrogène. Ça fait déjà 3 jours que je suis à cette station-service à la recherche du carburant, mais en vain. Nos enfants dorment souvent ventre creux car nous n'avons pas d'argent pour leur acheter de quoi manger. Du fait du manque de carburant, je ferme les guillemets. Ces lamentations, vous les avez sans doute déjà entendues ces derniers jours. Face à une pénurie du carburant qui ne veut pas s'estomper, ils sont beaucoup de Burundais à vivre le calvaire. Mais comment comprendre cette récurrente pénurie? D'abord, quid du circuit d'approvisionnement. Pays enclavé, son non-accès à la mer le conduit à aller s'approvisionner en carburant dans des ports des pays voisins. Dar es Salaam, Eldoret, avec la Tanzanie, le pays de Kenyatta est aussi une autre source d'approvisionnement pour ces pays voisins. Mais Dar es Salaam et Eldoret ne sont que deux points d'entreposage. Ils sont approvisionnés par les firmes pétrolières dont Total Energy, l'Exo Energy, Oil Libya, Shell Petrol, ainsi que le National Oil Corporation, une compagnie nationale kényane. Des firmes impliquées dans le marché international du carburant, normal donc que la crise pétrolière au niveau mondial n'épargne pas le Burundi. Sinon, d'après un pétrolier burundais, la commande en carburant peut durer 3 semaines ou plus avant d'arriver à Eldoret et à Dar es Salaam, tandis que le transport par voie routière prend au moins 3 jours de Dar es Salaam à Bujumbura. Ici, le carburant vient directement à la société d'entreposage CEP avant que les détaillants ne viennent s'y approvisionner. Les devises, une denrée rare vraiment. À la lecture des statistiques de la BRB, les devises devenues insuffisantes à la suite de la crise de 2015. Depuis, les réserves sont allées en décrescendo, compliquant par l'importation des produits dont les plus stratégiques comme le carburant. Ce graphique est là pour nous montrer à quel point les réserves en devises tarissent depuis 2015. Ceci alors que les économistes burundais notent que les besoins en importation du carburant sont globalement estimés à environ 200 millions de dollars annuellement. Une grosse quantité de devises est difficile à collecter, difficile à répondre. Mais s'il est vrai que le Burundi exporte peu, les sources de devises pour s'approvisionner en carburant peuvent être variées. Les projets des partenaires, les dividendes issus des contributions au maintien de la paix à l'extérieur du pays constituent autant de sources en devises qui pourraient être priorisées aussi pour l'importation du carburant qui ne demande que 200 millions de francs burundais, ajoutent ces experts en économie. Dossier à suivre. Merci Évariste Nzikobanyanga. Gouvernance dans les communes. L'opposition entre le chef collinaire de Minago et son adjointe à l'origine de la formation de groupes antagonistes derrière ces élus collinaires doit cesser au profit de la stabilité de cette colline. Consolateur Nitunga, gouverneur de Rumonge, qui le recommande d'y être prêt à tout faire pour anéantir ces divisions nées au sein de la population de la colline Minago. Et l'administrateur de la commune Gambarangwe en province Kirundo est accusé par le conseil communal de mauvaise gestion, manque de collaboration entre cette autorité et ses conseils, ainsi que des irrégularités dans le paiement des employés contractuels de la commune. Cela a été dit ce lundi dans une réunion de moralisation tenue par le gouverneur de Kirundo. L'administrateur Kinyoni Jean-Claude réfute ces accusations qu'il qualifie d'injuste. Il dit qu'il s'agit d'un montage de ceux qui veulent plutôt sa destitution. Le gouverneur de Kirundo demande au conseil communal ainsi qu'à l'administration communale de privilégier l'intérêt public. En ligne de Kirundo, Abraham Safari. Parmi les accusations du conseil communal à l'endroit de l'administrateur communal de Gambarangwe, Kinyoni Jean-Claude, il y a la mauvaise gouvernance liée surtout à la mauvaise gestion des richesses de la commune. Ici, ils font allusion à la construction d'un centre de lecture et d'animation culturelle dont la passation du marché n'a pas été faite. Les membres du conseil communal signalent qu'ils n'ont pas compris pourquoi le marché a été donné à un entrepreneur qui n'est pas de la commune alors qu'il y a un ingénieur communal payé par la fonction publique. L'administrateur Kinyoni Jean-Claude a précisé qu'il y a eu concertation de ses conseillers pour donner le marché à cet ingénieur étranger à la commune. Il dit plutôt qu'il s'agit d'un montage pour le faire perdre son poste qui est envié par la plupart de ses proches. Quant au manque de collaboration entre lui et ses conseillers, ainsi que le non-paiement des contractuels de la commune, l'administrateur accuse plutôt de traître ses conseillers car il ne fait rien sans consentement de ces derniers. Pour le gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, il a donné conseil aux membres du conseil communal ainsi que ses administratifs de travailler en bonne collaboration et de mettre en avant les intérêts de la population au détriment des intérêts personnels. Cette autorité les a aussi ordonné de payer vite les arriérés des contractuels de la commune et les a promis la mise en place d'une commission d'enquête pour cette mauvaise gestion de la commune. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci, Abraham Safari. L'administrateur communal n'a pas le droit de vendre des biens communaux sans l'autorisation du conseil communal, selon Papien Ruhotora, expert en gouvernance. Et si l'administrateur communal s'arroge ce droit, c'est qu'il ignore la loi communale. Cette réaction intervient après que l'administrateur communal de Kiremba, en province de Ngozi, ait vendu une des maisons de cette commune. On l'écoute. L'administration de la commune est dévolue au conseil communal et à l'administrateur communal. La gestion du patrimoine, la gestion des affaires de la commune étant confiée à l'administrateur communal qui lui est élu au sein du conseil communal. C'est-à-dire que le conseil communal le délègue pour mettre en application le programme de développement de la commune. Le conseil communal étant le superviseur, c'est lui qui contrôle la gestion de la commune par l'administrateur communal. Et pour ce qui est de la gestion du patrimoine communal, seul le conseil communal peut autoriser sa désaffection ou sa réaffectation, etc. La loi communale est claire là-dessus. C'est-à-dire que l'administrateur communal n'a pas le droit d'aliéner aucun bien de la commune sans l'aval du conseil communal. Prenons l'exemple du cas récent dans la commune Kirimba où son administrateur communal s'est arrogé le droit de vendre et c'était une maison de la commune. Et dans ce cas, il a fait pourquoi ? Vous avez utilisé le bon terme, justement, il s'est arrogé le droit. Ça veut dire en fait qu'il y a peut-être un problème d'interprétation des textes qui régissent l'administration communale. Parce que si l'administrateur lit bien le texte de la loi sur l'administration communale, il est clairement indiqué qu'il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans l'avis du conseil communal. D'un autre côté, l'administrateur communal peut lire le texte et le tourner à son avantage et dire, bon voilà, maintenant je suis le gestionnaire de la commune, donc c'est moi qui dirige, c'est moi qui prends toutes les décisions. Ça déclenche aussi un conflit de pouvoir entre les deux. Et que dit la loi communale par rapport aux punitions prévues si un administrateur communal est coupable d'une faute grave? Là aussi, la loi communale est très claire là-dessus. Il y a des clauses qui indiquent quand l'administrateur communal peut être déchargé de sa mission. Il y a des cas d'indiscipline, il y a des cas d'incompétence, hein, ou bien en cas de détournement des fonds de la commune, hein, ou en cas de corruption, ou en cas d'utilisation abusive des biens communaux. Le conseil communal fait le constat, dresse son rapport, l'adresse à qui de droit, et l'administrateur communal est démis de ses fonctions. Papien Rohotora, expert en gouvernance, dont les propos ont été recueillis par Vestine Boutoyi à 13h06 à Bujumbura et sur Isanganiro. On marque une courte pause et on retourne dans les provinces, notamment à Ngozi et à Bubanza. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des poubelles publiques sont nécessaires pour contenir des déchets composés des restes de canne à sucre, des bouteilles en plastique et autres éparpillés ici et là en ville de Ngozi. Propos du chargé d'hygiène et assainissement à Ngozi, l'administrateur de la commune Ngozi autorise seulement la vente des cannes à sucre à la périphérie de la ville. Joseph Martin Bouchoumi envisage rencontrer les chargés de l'hygiène afin de trouver où mettre ces déchets. Apollinaire Muzagara. Des restes de canne à sucre se laissent voir en grande quantité le long des principales routes de la ville d'Ngozi durant cette période de récolte de cette agriculture. Il y en a qui les jettent sur les lieux de vente et d'autres les éparpillent dans les rues ou gazon après la consommation. Joseph Martin Bouchoumi, administrateur de la commune Ngozi, prévient des sanctions sont envisagées à ceux qui tiennent des points de vente de la canne à sucre en ville. Seuls ceux de la périphérie sont autorisés à part ces restes de canne à sucre. Ils s'observent aussi dans les rues, beaucoup de bouteilles en plastique jetées après la consommation du jus et bière, bouteilles qui salissent la ville. Le chargé d'hygiène et assainissement Ngozi propose des séances de sensibilisation de la population qui vend et ou consomme ce produit, mais aussi à l'administration la mise en place des poubelles publiques dans cette ville. Désiré Ndaïsaba parle aussi de la protection de ces poubelles afin d'éviter d'éventuels vols, comme ça a été le cas les années passées. Il n'oublie pas après des sanctions aux consommateurs qui feront la sourde oreille après la mise en place de ces poubelles. L'administrateur de la commune Ngozi dit qu'il envisage de rencontrer son chargé d'hygiène en vue de trouver une solution à son problème. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire et à Ouanza, les cultivateurs qui s'étaient présentés ce lundi sur différents points de distribution d'engrais subventionnés disent qu'ils ont été surpris d'être obligés de remettre plutôt les jetons attestant le montant payé et le type d'engrais commandé. Ils déplorent le fait que leurs champs sont déjà endommagés suite au manque d'engrais et demandent aux responsables concernés de résoudre ce problème. Spes Caritas Cavagnana. Ce lundi, les cultivateurs se sont présentés comme d'habitude sur différents points de distribution d'engrais chimiques subventionnés et à leur grande surprise, ils n'ont pas reçu d'engrais. On les a obligés plutôt à remettre les bons de paiement, aussi appelés jetons ou tickets, qui attestent qu'ils ont payé cet engrais, comme nous l'avons constaté au point de distribution de Gihanga. Les cultivateurs se demandent comment ils pourront payer les dettes contractées auprès des banques puisqu'ils espéraient bien récolter et rembourser les dettes. Ils déplorent le fait que leurs champs sont de plus en plus endommagés suite au manque de fumure alors qu'ils ont payé l'argent nécessaire pour recevoir de l'engrais subventionné. Le travail de collecte de bons de paiement ou jetons va se faire durant toute cette semaine jusqu'à vendredi selon les responsables agricoles et certains collecteurs contactés ce lundi nous ont affirmé que c'est pour que l'usine FOMI soit rassurer des jetons qui n'ont pas encore été servis. Il tranquillise les cultivateurs et ajoute qu'un cultivateur donne ses jetons après avoir été inscrit chez son chef de colline pour éviter des confusions lorsque l'engrais sera disponible pour la distribution. Spécialitas Kavanyana, Wanza, Radio Isanganiro. Merci, espèce. Les esclaves provenant du Burundi et du Congo transités par Ujiji dans la province de Kigoma en Tanzanie, d'après Kassim Gobolambingo, un guide du musée national de Kigoma, qui précise que l'esclavage était pratiqué par les Blancs, les Arabes et les Noirs. Depuis Kigoma en Tanzanie, Moïse Misako. Selon ce guide du musée national de Kigoma, le quartier Ujiji était le centre des esclaves en provenance du Burundi, du Congo, avant de les envoyer dans la région de Bagamoyo, puis Zanzibar. Par après, ils passaient par l'océan Indien à destination des pays européens et asiatiques. Kassim Govolambingo ajoute que les esclaves cherchaient du travail auprès des esclavagistes. À cette époque, Oudjidji ne comptait que plus de 120 ménages. En 1874, le marché des esclaves a été suspendu. Des esclaves qui étaient dans les mains des esclavagistes ont été relaxés, ajoute Kassim Govolambingo. Les esclaves en provenance des pays de l'Afrique de l'Ouest transitaient par l'océan Atlantique à destination des pays américains. Depuis Kigoma, Moïse Misago pour la radio Isanganiro. Merci Moïse. Le gouvernement congolais ouvre 27 de ses blocs pétroliers aux investisseurs malgré la mise en garde des ONG locales et internationales. Et celle-ci assure que pas moins de 9 blocs pétroliers à être mis aux enchères à la fin de ce mois. Chevauche des aires protégées, Kinshasa n'en est pas l'échevauchement, mais veut rassurer les activistes et les futurs investisseurs. Au départ, ce sont 16 blocs qui devraient être mis aux enchères, mais le gouvernement en a ajouté 11 autres. Didier Boudimbou, le ministre congolais des hydrocarbures, était ce lundi face à la presse pour annoncer l'appel d'offres et a voulu rappeler l'intérêt économique pour le pays, surtout en pleine crise ukrainienne. Un mot de culture en international et burundaise aussi. Puisque la jeune autrice burundaise Laura Sheila Inangoma est entrée ce mardi 19 juillet à 11h dans la cour d'honneur des auteurs africains au Festival d'Avignon. Procès aux mémoires, c'est le titre de sa pièce de théâtre, dirigée par le metteur en scène Armel Roussel, a été présentée au Jardin de la rue d'Aumont sous forme de mise en voix dans la 10e édition de Ça va le monde, organisée par Radio France Internationale. La lecture était également diffusée en direct sur Facebook Live. Place maintenant à la chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. L'épilepsie est traitée selon les symptômes que le patient affiche. Le neurologue Patrice Barasukana conseille aux femmes enceintes d'accoucher aux structures de soins de santé pour diminuer les risques chez leurs enfants de naître avec cette maladie. Les personnes âgées ayant des maladies chroniques comme le diabète sont appelées quant à elles à respecter les conseils donnés par le médecin pour éviter des complications pouvant provoquer l'épilepsie. Ornella Mucho. Des examens comme le scanner sont faits pour compléter ce qui a été suspecté au cours de l'examen clinique. Le neurologue Patrice Barasukana indique que dans son cas, le traitement est en fonction du type de crise ou d'épilepsie. Il tient à souligner que les interventions psychologiques améliorent la qualité de vie des épileptiques. Docteur Barasukana assure que les épilepsies ne sont pas contagieuses. La durée minimale efficace est au moins 2 ans. Si vous avez un traitement mis en place il y a, par exemple, il y a plus d'une année et que vous trouvez que les symptômes ne sont plus là, il ne faut pas décider d'arrêter le traitement brutalement. Même au-delà de 2 ans, le traitement sera arrêté progressivement parce que le corps, notre corps a été en contact avec un médicament. Il faut un sevrage progressif sur une période pouvant aller entre 3 à 6 mois. C'est un traitement au long cours, c'est une maladie chronique. Le traitement doit être au long cours et l'arrêt doit être progressif. Les femmes enceintes doivent faire des consultations prénatales pour diminuer les risques que leurs enfants naissent avec des anomalies pouvant provoquer des épilepsies. Les femmes enceintes devraient faire une consultation prénatale. Les consultations prénatales nous aident à détecter d'éventuelles anomalies pouvant être responsable à la naissance de cette maladie épileptique. Deuxièmement, il faudrait que toute femme enceinte accouche dans une structure de soins. Là, vous diminuez le risque de survenue de souffrance fœtale, par conséquent, vous diminuez le risque de développer une épilepsie plus tard. Chez les sujets adultes et également, je leur conseille une fois diagnostiqué cette maladie épileptique, ils devraient observer le traitement tel que prescrit par le médecin. L'indique aussi qu'il y a des métiers des conseillers étant épileptiques. Le premier métier, c'est le métier de chauffeur. Normalement, tous les chauffeurs devraient être examinés avant de débuter leur carrière. Parce que quand vous faites une crise étant au volant, vous exposez ceux dont vous transportez, et vous exposez également les autres personnes en circulation. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des pilotes. Troisième catégorie, ce sont par exemple les agents de la régie des eaux, les plongeurs, c'est ces gens qui font la plongée dans le lac ou la plongée marine. normalement, il devrait y avoir un bilan avant qu'ils entament leur carrière. Comme ça, vous diminuez le risque de ces venues de crise et d'accidents évitables. Le neurologue Balasukana conseille les patients de se faire soigner à temps, ainsi qu'à respecter les conseils donnés par le médecin, car 50% des épileptiques sont curables, 20% continuent le traitement mais sans crise, et seuls 10 à 20% seront toujours sous traitement et garderont les crises. Il conseille les gens d'éviter la consommation des facteurs pouvant entraîner des crises épileptiques comme le tabac et l'alcool. Merci Ornella Mucho, merci docteur Patrice Barasukana pour ses éclairages sur l'épilepsie. Et à 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro, nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Un très bon après-midi.